Louvre, je joue. Alors, je t'attends pour tuer ta petite bite. Tu sais, j'arrive de Martinique. Elles sont beaucoup plus grosses que la tienne, j'étais déçue, hein. Alors j'espère que quand je l'aurai dans la bouche, ma bouche ne sera pas trop vite. Bon, ben j'ai hâte de t'avoir. N'oublie pas MDS, ta meilleure des suceuses. Et dis-moi si c'est avec ou sans neige, ainsi que le numéro de ton calibre. Je t'embrasse. Et en attendant de te sucer, fais beau rêve, mon chou, et masturbe-toi bien. Car je sais que tu aimes ça quand on te masturbe, et qu'on te suce au plus profond, qu'on te suce les couilles, et tout ce qui s'ensuit. Bye, petit grand porc, ciné.